Écoutez, c'est l'été sur Fadjet. Vincent Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing produit pour l'Office de tourisme de Nancy. Et aujourd'hui, cette semaine, nous allons à Jarville-la-Malgrange découvrir le domaine de Montaigu. Eh oui, tout à fait. Alors, Jarville-la-Malgrange, mais également Lanneville devant Nancy, puisque en fait, le domaine de Montaigu s'étend sur ces deux communes de la métropole du Grand Nancy. Et à cheval sur les deux communes, on a une richesse de découvertes hein, qui peut vous occuper bien plus qu'une demi-journée. Je pense notamment au château de Montaigu qui peut se visiter. Je pense au parc, hein, un vaste parc de 14 hectares, et au musée du fer qui est également situé sur ce domaine. Alors, le château de Montaigu, eh bien, il peut à nouveau se visiter après une belle restauration et il s'agit de la demeure d'Édouard Salin. Alors, qui était cet homme? Un personnage important qui était à la fois un industriel, un archéologue, un collectionneur et sa maison eh bien, est tout à fait fascinante. Je pense notamment à sa chambre, vous avez un tout petit lit dans un coin et ensuite de vastes vitrines où sont exposés ben, des objets de ses recherches archéologiques de l'époque mérovingienne par exemple, qui était sa passion. Donc ça c'est très insolite et fascinant. Et puis, c'est aussi un homme intéressé par l'art. Et donc, on a, quand on visite sa demeure, de très belles collections d'art décoratif, du mobilier, des objets d'art, avec un salon à la mode de l'art déco. Donc, ce château et sa découverte est une petite pépite, peut-être moins connue que d'autres, et que je vous encourage vraiment à visiter. Hein. C'est ouvert le week-end, tous les samedis et tous les dimanches, de 10h à midi et de 14h à 17h, jusqu'à la fin du mois de septembre. Et puis, ce beau parc donc de 14 hectares, on peut y flâner, s'y promener. Bon, il est ouvert tous les jours au public, avec des espaces plutôt à la française, avec des allées plutôt rectilignes, et d'autres espaces, des jardins à l'anglaise, avec des allées sinueuses. Donc, on peut s'y promener à l'ombre quand il fait un petit peu chaud, donc prendre un petit peu l'air. Donc, ça fait partie aussi des poumons verts de la métropole. Et enfin, pour terminer la journée, eh bien, le musée du fer, qui est là aussi assez insolite. C'est un des rares musées consacrés à cette thématique qui présente un peu toute l'histoire du fer en Lorraine, hein, de l'âge préhistorique jusqu'à aujourd'hui, en passant bien sûr par la révolution industrielle et toute cette période très riche pour la Lorraine hein, de la révolution industrielle. Donc de très belles collections dans ce musée du fer avec des objets aussi parfois étonnants et une petite exposition qui est proposée depuis le 11 juillet qui s'appelle RISC, qui a été mise en place par la Cité des Sciences à Paris et qui est donc visible aujourd'hui à Nancy, enfin au domaine de Montaigu, au musée du fer, et qui parle du risque, de l'audace, avec différents. C'est vraiment une exposition interactive avec différentes manipulations qui peuvent être proposées pour comprendre un petit peu ce qui nous mène à oser, à prendre des risques. Voilà, c'est une exposition qui est aussi adaptée aux enfants, donc une belle idée de sortie également pour cet été. Merci, on s'intéresse aussi à d'autres sorties possibles ce week-end. Oui, alors on retrouve toujours les classiques, hein, les visites sur l'Art Nouveau, les visites du centre historique, mais je m'attarderai sur deux visites thématiques. Tout d'abord, la visite de la Porte de la Craffe, hein, c'est un monument emblématique de la vieille ville que l'on repère de loin avec ses deux grosses tours. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, dans ces tours, on a encore des cellules de prison, puisque c'était une des fonctions de ce monument jusqu'au 19e siècle, c'était une prison. Donc, beaucoup de gens sont passés par là, donc il y a plein d'histoires intéressantes à raconter. C'est lié aussi au procès en sorcellerie, hein, à la fin du Moyen-Âge et au 16e siècle. Il y a beaucoup de graffitis dans ces cellules qui sont le témoignage des hommes et des femmes qui y sont passés. Donc voilà, c'est une visite très, très intéressante. On parle bien sûr hein, des fortifications, parce que la Porte de la Craffe, c'est aussi une porte fortifiée avec la Porte de la Citadelle et son petit jardin qui est juste derrière. Et puis, autre visite d'un lieu rarement ouvert au public, c'est la visite de Notre-Dame de Bon Secours qui se trouve tout au bout de l'avenue de Strasbourg, qui je vous le rappelle est l'église construite par Stanislas où il a été inhumé. C'est une des rares églises au décor baroque et qui raconte aussi l'histoire de Nancy puisque cette église a été construite sur le site de l'ancienne bataille de Nancy de 1477 contre Charles le Téméraire. Donc des vitraux racontent toute l'histoire de bâtiment et de la bataille de Nancy, donc c'est une autre visite aussi intéressante et des édifices peut-être moins connu du public. Voilà pour deux propositions. Et c'est pas parce que c'est la rentrée bientôt qu'on n'y a plus rien à faire sur Nancy, donc on n'hésite pas et on va sur le site de l'Office de tourisme aussi pour trouver d'autres propositions. www.nancy-tourisme.fr. Vincent Dubois, merci. Merci à vous.